écoute, c'est sans motif. Sans motif. Le mic est chargé. Sans motif. Comme un fusil d'assaut. Sans motif. Méthodique et la prod. Sans motif. Des critériennes du cœur d'une équipe solide et qui dure. DJ Don't Kid. Faut que ça pète. Mettez le son. DJ Don't Kid. Prise de scratch, prise de son. Fais péter le son. Ok, mets les watnins, donc faut que ça aille vite. Mets les watnins, donc faut que ça aille vite. C'est fiesta, ambiance scandale. C'est fiesta, ambiance scandale. Sans motif, le mic est chargé. Sans motif, comme un fusil d'assaut. Sans motif. Méthodique et la prod. Sans motif. Des critériennes du cœur d'une équipe solide et qui dure.